Dossier 5. Première partie. Un bon début. Dans la cuisine, Bernard est en train de préparer un plat. Je me demande s'il se débrouille bien, le fils de François. Pourquoi pas ? Je vais acheter un coup d'œil au café. Dans le café, Laura est en train d'expliquer le fonctionnement de l'ordinateur à un jeune garçon. Tiens, regarde. Julien, le fils de François, s'occupe des clients. Et voilà votre addition. Merci. Ah oui, je vous apporte tout de suite votre jus d'orange, madame. Alors, un thé, une bière, ça fait 26,50 francs. Oh, excusez-moi, 4 euros. Un peu plus tard, Corinne est au café, elle fait les comptes. Julien va partir. Ça va, vous vous y faites? Tout s'est bien passé? Oui, ça va très bien, madame Lemoine. Mais j'ai encore un peu de mal à ne rien oublier. Tout normal. Mais ça viendra vite. Alors à demain, Julien. Au revoir, madame. Bernard arrive de la cuisine. Ça a bien marché ce soir. Oui, il y avait un peu plus de monde et la clientèle était plus jeune. Le téléphone sonne. J'y vais. Oui, très bien. Oui. Au revoir. C'était François. Il voulait savoir comment Julien se débrouillait et si on pensait le garder. Je lui dis oui, bien sûr. 20 couverts en semaine, c'est pas mal. Oui. On a fait 4500 francs. On va pouvoir faire réparer la chaudière. Non, si tu commences comme ça, on ne va pas les garder longtemps, nos bénéfices. Le lendemain, sur la place du village, Raymond et Joseph sont sur leur banc. Il est joyeux, notre Parisien. Eh oui. Ces affaires sont bien parties maintenant. Je me demande combien de temps ça va durer. Oh, ne commence pas.